Nicolas sur Galaxy. We'll be right back. Galaxy to the paradise. Nicolas sur Galaxy.

Nicolas sur Galaxy. Yeah. Nicolas sur Galaxy. Paradise. Nicolas sur Galaxy. We'll be right back. Nicolas sur Galaxy. We'll be right back. Nicolas sur Galaxy. Carmela sur Galaxy. Nicolas sur Galaxy. We'll be right back. sur Galaxy. Music remains on top. Yeah.